Notre cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1909, Élisée Reclus, sublime Élisée Reclus, tout autant écrivain qu'anarchiste, publie un ouvrage intitulé « Le pain ». Le livre débute ainsi. Tout d'abord, il faut labourer le sol. La charrue, qui par elle-même est un instrument sacré, voit ses vertus augmentées si on la munit d'un charbon qui a été retiré d'un feu de Pâques dont les merveilleuses propriétés sont connues de tous. Au moment qu'on va entreprendre les grands labours de septembre, avant que le soc ait mordu le sol, l'épouse du cultivateur partage un pain qu'elle a consacré en quelque sorte par des attouchements répétés à la charrue. Elle le partage équitablement, une moitié pour les bœufs, l'autre pour les chrétiens, et on le mange incontinent. Élisée Reclus recherche dans les mythes du passé une explication de l'avenir. Et si l'avenir résidait dans une bouchée de pain? Car vivre sans pain, c'est vivre reclus de la société, alors élisez le pain, élisons le pain. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, il faut nourrir le peuple. Et oui, il faut que la population mange à sa faim pour que tout aille bien. Ça, c'est une nécessité pour le pouvoir et même pour tous les pouvoirs, qu'ils soient royal, républicain, qu'ils soient municipal ou national. Hier, nous sommes partis à la recherche de la première graine plantée, de la première bestiole domestiquée, le néolithique et les conséquences sociales de l'invention de l'agriculture, pour utiliser un terme générique. Une émission à réécouter sur le site internet Le cours de l'histoire France culture.fr ou bien en baladodiffusion, le podcast. Et aujourd'hui, nul pain sans peine. Et oui, le pain comme acteur majeur de notre histoire. Avec vous, Stéphane Kaplan, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à l'université de Cornell à New York. En vrai, vous y êtes peu à New York, hein. Vous êtes beaucoup en France, hein. Je crois que le fisc américain aimerait que je sois un tout petit peu plus à New York, oui. Oui, mais on y est bien en France. Pour le pain, c'est le titre de votre dernier ouvrage chez Fayard. Et puis on peut rappeler également Raisonner sur les blés, essai sur les lumières économiques chez Fayard également. Dites-nous, Stéphane Kaplan, il y a une spécificité française sur le pain? Je crois qu'il y a une obsession française et une fierté française qui sont assez spécifiques, mais il faut noter tout de même d'emblée que le pain est universel, quasiment universel. Le pain est une denrée de première nécessité un peu partout, avec des inflexions, avec des parfums, avec des moyens, des méthodes différentes. Mais je crois que les Français, depuis toujours, ont insisté peut-être davantage sur l'exigence qualitative. Il faut que ça soit bon à manger, il faut que ça soit bon à penser avant d'être bon à manger. Et c'est cette espèce de dualisme psychologique et physiologique, ça c'est peut-être là le cœur donc de l'engagement français avec le pain. Quel engagement français avec le pain, en plus qui flatte notre fierté nationale, et ça, les Français sont très sensibles. Exactement. Merci Stéphane Kaplan de nous rappeler cela. Avec nous dans le cours de l'histoire également aujourd'hui, Denis Lefebvre, bonjour. Bonjour. Denis Lefebvre, vous êtes journaliste. Vous avez écrit « Des racines et des gènes, une histoire mondiale de l'agriculture ». Des racines et des gènes, j'aime beaucoup ce mot « gène » qui apparaît ici. Pourquoi ? Parce que depuis quelques années, il y a une révolution génétique. Et donc, si vous voulez, les racines, c'est les origines de l'agriculture. Et depuis quatre décennies, on a une révolution génétique avec les OGM, avec le clonage des animaux. Et donc, je voulais mettre en parallèle ces deux évolutions qui posent des questions essentielles aussi importantes que la révolution néolithique il y a 10 000 ans. Effectivement, hein, hier dans l'émission, nous avons évoqué ce moment néolithique en disant que les pratiques mises en place ont, j'allais dire perdurer, mais il y a quelque chose de négatif d'en perdurer, se sont maintenues pendant des millénaires et que la rupture est extrêmement récente, 18e siècle, 19e siècle, et nous en vivons encore les conséquences. Mais pour le moment, je vous propose d'aller écouter un témoignage retrouvé au fin fond des archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, témoignage de Sébastien Lawrence, un combattant des États-Unis venu en France, autrement dit, un G.I.s. Nous avons débarqué à Saint-Nazaire, et puis après le débarquement, nous sommes passés sur les quais de Saint-Nazaire, où il y avait toutes sortes de belles boutiques, et puis où j'ai eu la chance de pouvoir entrer dans dans une boulangerie et j'ai demandé du pain français, du pain complet. Et la dame m'a dit, mais vous n'avez pas de ticket parce que c'est rationné ici. Oh, je dis, madame, faites une exception, j'ai été malade pendant 18 jours. Elle a eu pitié de moi, elle m'a donné un bout de chocolat et elle m'a donné un beau morceau de pain, un vrai casse-croûte. Et je l'ai trouvé tellement bon que ça m'a... c'est peut-être le meilleur pain que j'ai jamais mangé de ma vie. Témoignage d'un combattant des États-Unis venu en France, hein, Sébastien Lawrence. Et vous, Stéphane Kaplan, ça vous évoque quelque chose, j'imagine, un témoignage de ce type? Ça me touche énormément, d'une part. D'autre part, trouver un GI qui parle aussi bien le français... Il a dû s'installer chez nous, je pense. Je crois aussi. Écoutez, oui, moi je peux vous décrire toujours la première bouchée de pain que j'ai jamais eue en France, le pain américain avec lequel j'étais bercé, c'était un pain insipide, un pain juste horrible, horripilant. Et le pain français, je crois, pour l'américain, est une grande découverte. C'est un moment grisant. C'est pas simplement une future Madeleine de Proust, mais c'était dans mon cas une espèce de choc sismique. Je ne sais pas si c'est vrai pour tous les Américains, mais j'ai découvert là quelque chose qui pour moi incarnait un exoticisme français qui m'a marqué, qui me marque toujours. C'est de l'égo-histoire et l'émotion est importante quand on est historien. Je crois. C'est un élément qui fait partir une recherche. C'est votre cas, en l'occurrence, pour le travail que vous faites depuis des années sur le pain, Stéphane Kaplan. Malgré tout, ce que nous venons d'entendre, ce témoignage est un document historique. Et nous sommes donc sur un souvenir qui évoque sans doute 1944-1945. Et ce soldat veut du pain complet. Il y a ce mot « pain complet ». Alors, il y a un élément qui est important, c'est que quand nous parlons du pain, il faut contextualiser tout le temps. C'est quoi ce pain de cette fin des années 40, début des années 50? Mais c'est un pain horrible. C'est assez ironique, cette demande. Donnez-moi un pain complet, parce que tout le pain est incomplet. La France, après-guerre, entrait dans une longue phase de disette, presque une dizaine d'années. La France n'en sortait pas jusqu'au milieu des années 50. Quand on parle des 30 Glorieuses, quand vous datez de 45, je me dis souvent c'était pas vrai pour la masse des consommateurs relativement pauvres en France. Donc le pain a été fait avec une farine à taux d'extraction quasiment de 100%, avec des succès de nez comme pomme de terre, Le Clézio disait sur de bois, peut-être c'était pas toujours ça, mais certainement riz, légumes d'hiver, petits pois. La France crevait de faim. Et il fallait couvrir les besoins des Français. Les Américains ont donné un coup de main. Il y a ce moment terrible où le Français énarque de son époque va aux États-Unis pour demander de l'aide. Il demande aux Américains quand on voit du corn. Or, du corn, en anglais, c'est le mot générique pour du blé. Mais en américain, le corn veut dire spécifiquement le maïs. Et donc, la France a mangé un pain jaune pendant un certain temps parce qu'on a ramené en France des dizaines et des dizaines de bateaux de maïs. Ça n'a pas changé le fait que le pain n'était pas bon. C'était grossier, c'était très plat, ça avait des odeurs douteuses. Les fraudes étaient constamment sollicitées par le public pour déterminer s'il n'y avait pas des choses nocives dedans. C'était un moment terrible. Et les premiers sondages de l'époque, que voulaient les Français? Se débarrasser des Allemands et avoir du pain blanc, blanc, blanc. C'est important ce pain blanc dans l'histoire du pain. En tant qu'historien d'un aliment, vous devez vous poser la question, Stéphane Kaplan, le goût. Comment retrouver le goût? C'est très difficile, cela, pour l'historien. Quelles sont les sources dont vous disposez? C'est extrêmement difficile. Le goût, certainement, c'est la chose la plus difficile à retrouver. On a des témoignages des étrangers, en particulier au XVIIIe siècle, qui considéraient que le pain français était le meilleur pain du monde. C'est un refrain qui revient, une antienne permanente. Il parlait d'un pain qui remplissait la bouche, un pain qui laissait une espèce de vestige aromatique. Il parlait avec des métaphores qui étaient souvent florales, parfois évoquant aussi les fruits, mais c'est très très difficile de reconstituer le goût d'une époque. C'est plus facile de reconstituer le non-goût ou le mauvais goût. Ou le dégoût. Il y a des tentatives hein, aujourd'hui de rechercher ces blés du passé, ces espèces particulières qui ont disparu aujourd'hui. Dites-nous, Denis Lefebvre, vous avez ces réflexions-là dans des racines et des gènes, il y a ce mot gène. Alors, avant que cela soit transformé, qu'est-ce que l'on mangeait? On arrive à retrouver ça aujourd'hui, des espèces anciennes? C'est très difficile de retrouver les espèces anciennes, mais il y a eu une très grande variété de blé lorsque l'agriculture s'est installée en France, chaque localité avec sa variété de blé. Et puis, au moment des Trente Glorieuses, on a harmonisé complètement, on a recherché les variétés les plus productives. Et puis aujourd'hui, on revient sur tout cela et on essaye de trouver beaucoup de diversité, alors de la diversité génétique, de la diversité dans les espèces, de la diversité dans les variétés. Et donc, mais je vois aujourd'hui, il y a des structures alternatives hein, qui cultivent des semences anciennes, et on voit beaucoup de jeunes paysans venus qui ont une formation très poussée et qui recherchent à donner un sens à leur vie et qui s'installent comme paysans boulangers et qui produisent des pains de très grande qualité avec une grande diversité. Les Trente Glorieuses ont été assez néfastes parce qu'elles ont complètement harmonisé. C'est la stratégie marketing. C'était un massacre industriel. Oui. C'était un massacre culturel et cultural. C'était un moment terrible. On évoque souvent comme exemple la ville de Redon. Autour de la ville de Redon, on a retrouvé presque 400 variétés dans les années 50 qui, aujourd'hui, ont complètement disparu. Les paysans boulangers, ils se sont, disons, dans leur héritage, dépossédés. Ils arrivent en exigeant une souveraineté, une autonomie par rapport donc à leurs semences. Et évidemment, on a en France... Je parle de la France comme un pays jacobin. Jacobin, c'est très beau. mais bon, il y a ce qu'on appelle le catalogue, c'est-à-dire en France, si on n'est pas inscrit dans le catalogue, si la variété n'est pas distincte, stable et homogène, on n'a pas le droit de le commercialiser. Ça, c'est un grand enjeu aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve maintenant en retour des anciennes variétés. C'est fait peut-être avec trop de marketing et une espèce d'engouement assez vague. C'est aussi poussé par un espoir de trouver une alternative au gluten qui fait peur. Mais globalement, je trouve que ça ébranle la filière, ça ébranle le conservatisme des boulangers et des meuniers, et ça les oblige à repenser les choses. Donc pour ça, je crois que les paysans boulangers sont formidables. En revanche, ils ont tendance à diaboliser tous les autres. Or, il y a 27 000 boulangers dits conventionnels qui ne méritent pas le dédain des gens qui, eux, en reprenant possession de la terre, veulent peut-être exclure les autres qui ne sont pas dans leur foi précise. Non, mais il y a un vrai message envoyé par vous, Stéphane Caplan. Vous avez déjà d'ailleurs goûté ces pains fabriqués à partir d'espèces anciennes de blé, toujours dans la recherche d'un goût du passé. Tout à fait. Depuis 2-3 ans, je suis très lié avec des groupes justement qui essaient de faire vivre ces anciennes variétés. Je m'intéresse et au blé de population, c'est-à-dire à des récoltes et des sélections massales des variétés qui sont mélangées. Ça donne des surprises assez formidables, mais je m'intéresse également à long grain, à l'épeautre, à l'amidonier, au rouge du roc, à un tas de variétés avec des noms extrêmement lyrique et touchante, et ça nous donne des surprises, ça nous donne des bouquets, des parfums qui sont formidables. Si le pain avait une âme, ça serait dans sa constitution aromatique. Et dans ces anciennes variétés, on trouve des moments absolument inoubliables. Oui, parce que nous réfléchissons beaucoup au pain avec du blé, mais énormément d'autres céréales servent à faire du pain. Il faut bien le souligner, il y en a beaucoup qui reviennent. Oui, Denis. Il y a trois grandes céréales, au Moyen-Orient et en Europe, le blé, le seigle, l'orge, en Asie, le riz, qui est arrivé aussi en Afrique, et puis en Amérique, le maïs. Oui, oui. Et on fabrique du pain à partir de ces trois grandes céréales qui sont quasiment hégémoniques, qui sont la tyrannie des céréales, disait Fernand Braudel, parce que en cas de mauvais rendement, c'est la crise, c'est la disette, c'est voir la famine. Donc c'est essentiel, c'est pour ça. Vous vous rendez compte qu'au temps de Louis XIV, dans le budget alimenté, dans le budget des ménages, disons qu'on parlerait aujourd'hui, 45% allaient à l'achat de céréales, de farine. Oui, 45% du budget total. La moitié d'un budget domestique était constitué, en fait, alors pas que de pain, mais en grande partie de pain. Et c'était ça dure pour les céréales, là. Oui, c'est pour ça, et ça dure même très longtemps. Hein. Quand ça allait bien. Quand ça allait bien. Et quand ça allait mal, c'était 100% ou 120%. Oui. Et c'est ça la crise. C'est ça le drame. Et puis il y a d'autres sortes de drames. Il y a Madame Sévigné qui écrit à Voltaire en disant « Je crève de faim sur un tas de blé ». C'est-à-dire, les moulins ne tournaient pas. Il y avait un manque d'eau, où il y avait des gels, où il y avait un manque de vent. Donc c'est un système extrêmement délicat, extrêmement compliqué. Au XVIIIe siècle, 100 000 moulins. Au XXe siècle, au début, 30 000 moulins. Au 1950, 10 000 moulins. Aujourd'hui, 354. C'est quand même une histoire capitalistique de concentration étonnante. Non, il y a dans cette soi-disant filière toute une histoire de France qui est une histoire assez mal connue, absolument stratégique, absolument décisive pour le pays. Bien justement, pour évoquer combien le pain a pu être important, je vous propose un témoignage, mais un témoignage qui n'est pas si ancien. Hein. C'est celui de la mère Gault. Ah, la mère Gault, une figure de la gastronomie de Haute-Savoie. La mère Gault, qui est décédée en 2019, donc c'est très récent, mais elle est décédée à 105 ans. Donc elle a quand même vécu très longtemps. Et cette mère Gault, qui, dans un documentaire de Jean-Michel Djian, évoque qu'elle ne supporte pas que l'on jette du pain. Moi, je ne peux pas supporter qu'on jette du pain. Parce que je vais vous dire que quand j'étais petite, que j'allais à l'école du village, je vous parle d'il y a 90 ans, hein, on n'avait pas de pain tous les jours parce que mon père ne semait pas suffisamment de blé pour qu'on ait du pain. Alors, on allait à l'école avec des pommes de terre bouillies. Ma mère faisait cuire une marmite de pommes de terre pour les cochons. Elle enlevait dessus les grosses pommes de terre, qu'elle me donnait une dans chaque poche pour aller à l'école. Et je les mangeais à la récréation. Et un jour, un jeune homme d'ici, ses parents étaient riches, probablement, il avait toujours du pain. Alors, il se balançait sur un arbre dans la cour de l'école avec un gros morceau de pain. Et j'ai dit, quand il m'aura assez nargué avec son pain, je l'ai tiré par les jambes, je lui ai cassé un bras à ce gamin pour lui prendre son pain. Ah bah oui, hein, ça, elle voulait son pain. Non mais c'est drôlement intéressant. Le pain coupé n'a pas de maître. Voilà, ça, l'adage de Stéphane Kaplan, merci beaucoup de nous le rappeler, après avoir écouté la mère Gault, donc, qui est née en 1914, donc évoque quelque chose qui se passe dans les années 1920. Moi, j'ai connu, j'ai la soixantaine, mais chez mes parents, effectivement, il fallait qu'on mange tout le pain, et le pain qui restait, le pain qui était un peu rassis, c'était des agriculteurs, ben, on faisait du pain perdu en dessert, c'est délicieux d'ailleurs, oui. Donc c'est encore, aujourd'hui, depuis quelques décennies, ça a beaucoup changé, mais il y a 40-50 ans, on nous obligeait à la campagne à manger tout son pain, oui. Cette importance du pain, il faut le souligner sans cesse, parce que c'est l'histoire de l'humanité. Évidemment, le pain a une forte dose du sacré. Cette dose de sacré, ça s'exprime de plusieurs manières. Sur le plan humain, c'est le pain qui est le corps du Christ. Pour beaucoup de chrétiens, dans d'autres religions, le pain a aussi une dimension extrêmement importante sur le plan liturgique. Et puis, il y a une espèce de communion profane, une espèce de dévolution, si je puis dire, de l'Eucharistie. Et donc, quand on partage le pain, quand on rompt le pain ensemble, on tisse le lien social. Tout le monde sait que compagnon, copain, on évoque le mot pain pour construire la relation des gens. Et ça nous mène, d'une part, vers donc cet anti-gaspillage qui est à la fois religieuse, sociale, aujourd'hui écologique, une vraie impératif. Et ça nous rappelle également, comme disait Mirabeau, que chaque grain débouche sur une question politique. Et le pain est fondamentalement un objet autant politique que gastronomique. Et là, Stéphane Kaplan, vous évoquez son aspect religieux, son aspect social, deux contrats sociaux. Vous évoquez Mirabeau. Bien sûr, nous arrivons au siècle des Lumières. Nous sommes à un moment, le 18e siècle, où le pain est une véritable question politique et question économique. Vous avez sous-titré votre ouvrage « Raisonner sur les blés, essai sur les lumières économiques ». C'est chez Fayard, Stéphane Kaplan. C'est vrai que les Lumières, nous les associons à la philosophie. Mais elles ne sont pas que philosophiques, elles sont également économiques. Évidemment, et ce qui se passe au XVIIIe siècle, c'est qu'il y a d'une part une espèce de surgissement des Lumières, c'est-à-dire une affirmation de la raison, d'une épistémologie neuve, d'un rejet des idées reçues, toute forme de tyrannie et d'esclavage. Mais il y a, disons, un sous-ensemble des Lumières qui focalise sur l'économie, qui croit que c'est à travers des questions économiques qu'on va arriver réellement à réaliser l'émancipation de l'homme. C'est cette espèce de mouvement prométhéen. L'homme, il prend le feu et il construit un nouveau monde. Et cette notion que la liberté était au cœur de cette démarche économique et était en quelque sorte l'inspiration, le centre de tous les grands débats concernant la relation entre État et société, concernant la notion même de monarchie. Le roi, est-ce qu'il est prince nourricier ou le roi, est-ce qu'il est plutôt arbitre qui reste à côté pour, en quelque sorte, laisser faire, entre guillemets, c'est-à-dire pour permettre à l'économie, à travers son marché, de fonctionner. Donc, tout y est, et le problème, c'était très simple, comme disait Voltaire, on opère sur le corps humain. Et ça, c'est tout de même quelque chose qui fait peur. D'ailleurs, Stéphane Kaplan, je vous propose d'écouter ce qu'écrivait Voltaire sur le blé dans son dictionnaire philosophique. C'est un extrait donc du dictionnaire philosophique de Voltaire qui nous est lu ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture par Tatiana Werner. Quelques désastres que la France ait éprouvés, quelques succès qu'elle ait eus, que les vignes aient gelé ou qu'elles aient produit autant de grappes que dans la Jérusalem céleste, le prix du blé a toujours été assez uniforme. Et année commune, un sétier de blé a toujours payé 4 paires de souliers depuis Charlemagne. Vers l'an 1750, la nation, rassasiée de vers, de tragédies, de comédies, d'opéras, de romans, d'histoires romanesques, de réflexions morales plus romanesques encore, et de disputes théologiques sur la grâce et sur les convulsions, se mit enfin à raisonner sur les blés. On oublia même les vignes, pour ne parler que de froment et de seigle. On écrivit des choses utiles sur l'agriculture. Tout le monde les lut, excepté les laboureurs. On supposa au sortir de l'opéra comique que la France avait prodigieusement de blé à vendre. Enfin, le cri de la nation obtint du gouvernement en 1764 la liberté de l'exportation. Un extrait du dictionnaire philosophique de Voltaire, c'est l'article blé. Alors, cette date tombe dans ce dictionnaire philosophique de Voltaire qui nous est lu par Tatiana Werner, 1764. Que se passe-t-il en 1764, Stéphane Kaplan ? Pour faire du sens du 64, il faut remonter à 63. 63, enfin, les deux sont liés. En 63, le roi a dit, en substance, à son peuple, « Démerdez-vous désormais ». À vous de chercher le pain, je ne suis plus ton père, je ne suis plus votre père, je ne suis plus prince nourricier, je renonce, je répudie le contrat social de subsistance. Ce contrat, selon ce contrat, je suis obligé de vous garantir contre la faim et vous m'offrez votre service militaire, vous m'offrez la corvée, les impôts, etc. Ça, c'est un contrat qui est pour toute la France, fondamentalement asphyxiant, fondamentalement anti-économique. Désormais, je ne régule plus, je n'interviens plus, il n'y a plus de blé du roi. Je suis désormais de l'autre côté, c'est-à-dire je suis du côté des consommateurs. C'était une rupture fondamentale, c'était une rupture radicale. Pour moi, c'était la législation la plus radicale de tout le 18e avant la Révolution française. Et je crois que la France a pris une claque terrible, mais en même temps, si aujourd'hui on est toujours en train de se débattre sur cette question de quel est le rôle de l'État, quelle régulation à apporter, ça remonte exactement à ce moment-là, où quand pour la première fois, ou pour la première fois, le roi a dit « je change la nature même du pouvoir ». Dans votre histoire mondiale de l'agriculture, Denis Lefebvre, vous constatez également ce moment comme une importance capitale quant au XVIIIe siècle. Donc nous sommes sous Louis XV. Le pouvoir royal qui jusqu'alors soutenait les prix, ou en tout cas les limitait, et était un pouvoir nourricier, ouvre le marché à tout le monde. C'est le libéralisme. Et c'est pour vous aussi la vraie rupture. Oui, je pense que ça se passe même avant. En 1700 ou 1707, il y a un économiste, Pierre de Bois-Guilbert, qui, en comparant la valeur d'usage et la valeur d'échange du blé, en fait, donne naissance à l'économie politique. Il y a Vauban qui crée la macroéconomie. Il y a eu, bien avant, Olivier de Serres qui crée l'économie d'exploitation, la microéconomie. Et ensuite, tous les économies classiques, tous les économistes classiques vont traiter dans leurs idées, vont mettre le blé au cœur, que ce soit dans Smith, Ricardo, jusqu'à Jean Fourassier dans Les Trente Glorieuses, où il montre que le blé a été le phénomène dominant, enfin l'histoire du blé, le phénomène dominant de l'histoire de la science économique jusqu'à quasiment aujourd'hui. Je dirais même jusque dans les années 90, le blé a été à l'origine des difficultés pour avoir un accord commercial international au GATT, et le riz a été à l'origine de l'échec de l'OMC 10 ans plus tard. Oui, ça montre l'importance quand même. La céréale est essentielle, et c'est sûr que dans les théories économiques, le blé est le matériau sur lequel s'appuie la réflexion. C'est très intéressant, c'est un peu ce que dit Voltaire dans son dictionnaire philosophique. Ce sont des penseurs qui ne sont pas préoccupés directement par les choses agricoles, qui décident, mais Stéphane Kaplan, on va dire que c'est de manière... Allez, plutôt gentil. Ils veulent faire baisser le prix du blé en laissant le marché s'ouvrir et qu'il n'y ait plus de contraintes. À la base, c'est ça? Oui et non. Je dirais peut-être même le contraire. Je partirai d'une part de cette idée centrale. Ce qui se passe au XVIIIe siècle, c'est que on n'est plus dans la théorie théorique. C'est-à-dire, on peut très bien théoriser un tas de choses, melant. Suivons Bois-Guilbert, suivons Vauban, ces gens-là ont, Herbert, entre autres, avant les physiocrates, ont pensé un régime libéral. Mais ici, pour la première fois, on met ça en loi. Et il y a là un changement profond. On dit aux gens, désormais, à la police, à toute cette structure d'autorité, désormais, vous ne touchez pas au pain. Et les procureurs fiscaux du roi et autres policiers locaux écrivent au roi dans un grand désespoir. Comment vous pourrez vous laisser induire en erreur? Vous ne pouvez pas abandonner votre peuple. Vous ne pouvez pas abandonner le pain. L'idée, bon, l'autre jour à la FNS, la présidente de la FNSEA explique les prix sont trop bas. Eh ben, c'est exactement ce qu'expliquaient les agriculteurs, y compris les grands nobles et les laboureurs, au XVIIIe siècle. Il fallait donc que le prix augmente, il fallait mettre en exécution ce qu'on appelle le bon prix. Le bon prix était le haut prix. Le haut prix était le prix européen, on disait même le prix du marché commun à l'époque, c'est-à-dire le prix qui allait stimuler l'agriculture française à produire davantage, à abolir les excès de l'abondance et surtout les déficits de la disette. Donc, il fallait d'abord avoir un prix haut. Ce prix-là transformait le roi, qui n'était plus protecteur des consommateurs, il devient protecteur des producteurs. Je crois que le FNSEA adorait Louis XV. Au moins, c'est dit, mais nous sentons bien dans cette réflexion sur ce qui est mis en place au XVIIIe siècle par ceux qu'on appelle les physiocrates et puis appliqué par le pouvoir royal, qu'il y a la mise en place de théories économiques et politiques qui s'appliquent encore à nos sociétés aujourd'hui. C'est ce qui nous intéresse en parlant du pain dans le cours de l'histoire sur France Culture. Le pain qui nécessite parfois, parce que le pain ce n'est pas que du goût, c'est aussi de l'odeur, c'est du bruit, hein, la croûte qu'on casse. Et puis alors évidemment, une fois qu'elle est cassée, il y a des miettes. Et bien Bourvil nous dit tout de suite ce coût des miettes. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ce fut par un brumeux matin qu'il arriva sur cette terre, pendant que sa mère coupait du pain au-dessus de la grande soupière. Des mites de pain tombèrent dans ses yeux au moment de l'événement. Aussi les parents très anxieux lui murmurèrent en le voyant: t'as des mites de pain dans les yeux. Ce coup t'es mis, ce coup t'es mis, ce coup t'es miette. La vie, crois-moi, c'est sérieux. Ce coup t'es mis, ce coup t'es mis, ce coup t'es miette. Tu seras toujours malheureux. Si t'as des mites, si t'as des mites, si t'as des miettes. Mais tu verras tout en bleu. Si tu secoues, si tu secoues, si tu secoues tes miettes. Après pas mal d'hésitation, l'enfant découvrit la lumière. Plus tard, ce fut un grand garçon qui voulait et croyait bien faire. Lorsqu'il choisit sa profession, et même quand il dut se marier, il montra tant d'indécision que les pauvres parents soupiraient. T'as des mites de pain dans les yeux. Ce coup t'es mis, ce coup t'es mis, ce coup t'es miette. La vie, crois-moi, c'est sérieux. Ce coup t'es mis, ce coup t'es mis, ce coup t'es miette. Tu seras toujours malheureux. Si t'as des mis, si t'as des mis, si t'as des miettes. Mais tu verras tout en bleu. Si tu secoues, si tu secoues, si tu secoues tes miettes. Coup tes miettes, sublime Bourvil dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Perret Legras avec aujourd'hui à la technique Inès De Bruyne. Et dans le cours de l'histoire, nous parlons pain, nous parlons de cet élément majeur, cet acteur de notre histoire, le pain, nul pain sans peine. Et c'est vrai qu'en évoquant les réflexions de ceux qu'on appelle les physiocrates, les penseurs de l'économie, de la politique au XVIIIe siècle, nous voyons que se met en place des théories qui s'applique aujourd'hui encore. Oh, disons-le simplement, il faut enlever toute contrainte au marché des grains, et sans grains, il n'y a pas de pain. Dites-nous, Denis Lefebvre, dans ce moment 18e siècle où le prix du pain est laissé libre, que le commerce est laissé libre, la conséquence est l'augmentation du prix. Les conséquences sont extrêmement négatives. Tout à fait, surtout que ça s'est fait à une période où les rendements, les récoltes étaient mauvaises, donc il y a eu de la spéculation. Et Turgot, qui était un physiocrate, mais plus modéré que les autres physiocrates, avait été intendant du Limousin. Il avait expérimenté cette libéralisation du blé, et puis ça s'était conclu par un échec. Et quand il est devenu contrôleur général des finances, super ministre de l'économie et des finances, il a libéralisé le marché, il a aboli les droits de douane entre les régions. Et même phénomène, il y a eu des récoltes très mauvaises, il y a eu des mouvements spéculatifs, le prix du blé a augmenté énormément, je crois que c'était 60-70%, et alors que le niveau de vie des gens stagnait, et puis ça s'est terminé par la guerre des farines. Le roi a abrogé les décrets de Turgot sur la libéralisation du prix du blé. Donc, la conséquence directe de cette libéralisation du prix du blé est une augmentation des prix. Et dans une société du XVIIIe siècle, cela a des conséquences, parce qu'il faut toujours réfléchir aux individus. Les gens ne mangent plus à leur faim. Enfin, c'est quelque chose d'absolument catastrophique. Le roi revient en arrière. Stéphane Kaplan, sur ce recul royal face à la libéralisation. Le roi Louis XV était courageux, il était audacieux. Et entouré par les physiocrates et par des ministres, c'est ça qui est important, qui eux étaient imprégnés par la fibre libérale, qui croyaient, et il y a là un élan, même moi qui je suis très critique des physiocrates, je trouve que dans cet élan-là, il y a quelque chose d'extrêmement émouvant. Le problème, c'est que quand on libère les grains, quand on libère les marchés, quand on dit aux gens, ils peuvent, ce qu'ils faisaient hier, des actes criminels, l'accaparement, entre autres. Désormais, ce sont des pratiques commerciales ordinaires. Quand ça se passe, il y a de la part des gens qui, eux, vivent selon ce qu'on pourrait appeler métaphoriquement plutôt une économie morale et pas une économie de marché ou libérale, il y a un choc. Et ce choc, dans les années 66 à 70, c'était 400 et quelques émeutes, des émotions, des manifestations, bien avant la guerre d'Ukraine. Turgot vient au pouvoir, et Turgot, je l'ai suivi de près dans le Limousin, il était malade parce qu'il n'arrivait pas à se fixer sur cette idée-là qu'il faut simplement fermer les yeux en espérant que la liberté allait un jour marcher. Il avait charge des gens. Et donc, il était obligé lui-même, dans le Limousin, de se contredire, de faire venir des grains, de payer pour les grains, d'intervenir de côté de l'offre. Et Turgot arrive au pouvoir et il nomme un contrôleur général, un lieutenant de police, Albert. Il limoge le noir qui était le lieutenant de police parce qu'il avait dit à le noir, assurez-moi l'ordre, ne touchez pas au pain. Pas possible, c'est un oxymore. Si on veut de l'ordre, il faut du pain. Denis Lefebvre. Il faut dire que le mouvement physiocratique à l'époque n'était pas représentatif des paysans en général. C'était l'élite des agriculteurs, les producteurs les plus aisés, l'aristocratie foncière. Donc il n'était pas du tout représentatif. Mais 75% ouais. Des paysans étaient achetés au marché, oui. N'étaient pas des vendeurs. Oui. Donc évidemment, ils étaient eux-mêmes victimes. De ce fond de libéralisme. C'était Galliani, le l'antiphysiocrate primordial napolitain, qui disait bien que le pain, ou il disait parfois le pain, parfois le grain, ça n'appartient pas au commerce, ça appartient à la police. Police dans le sens de administration publique. Oui, c'est ça, la police, le bien de tous, le bien de la cité, la chose publique. Ces questions sont posées pendant toute l'histoire. Les Gracques sous l'Empire romain, jusqu'à aujourd'hui, les altermondialistes proposent un contrôle de l'État sur une forme, pas d'étatisation, mais un contrôle de l'État sur la production agricole. Et les libéraux, alors de Ricardo jusqu'aux ultralibéraux aujourd'hui, propose une libéralisation du marché. Il y a toujours eu cette confrontation. Le New Deal était très anti-libéral. Hein. Les fondateurs de la PAC aussi étaient très très anti-libéral. Mais la PAC est devenue très très libérale depuis quelques décennies. C'est 24 ans. J'allais dire que quand je suis rentré pour la première fois dans une boulangerie en France en 62, j'ai vu un arrêté préfectoral sur le mur disant que le prix du pain est fixé. Le parisien est tel ou tel, le gros pain est tel ou tel, le pain de fantaisie est tel ou tel. Or, on n'était vraiment plus dans une logique où le panier budgétaire de la famille était basé sur la consommation du pain. Tout de même, cette taxation, comme on disait, cette fixation, cet attachement de l'État, même si c'était plus symbolique qu'autre chose, a duré jusqu'à la fin de 1986. C'est ça l'État jacobin. Alors c'est important de souligner, après ce XVIIIe siècle, combien le pain est toujours sous contrôle du pouvoir. Stéphane Caplan, vous diriez que c'est un pouvoir nourricier qui est en charge du pain, ou c'est juste une symbolique parce que, comme vous venez de le rappeler, le pain n'est plus essentiel dans l'alimentation, hélas peut-être aussi. Oui, mais certainement vers la fin du 19e, il y avait un basculement profond. On entre dans l'âge de la profusion. On quitte, disons, l'âge de la disette structurelle. Bon, la disette va revenir, notamment pendant les deux guerres mondiales, mais l'État doit, en quelque sorte, repenser son rôle. Mais ce faisant, il n'ose pas renoncer sur le plan, disons, de son marketing politique à cet attachement. Et la preuve constante pour le peuple était toujours cette idée que le prix allait être fixé. Et ce qui était formidable, c'est que quand il n'y avait plus de gros pain, on avait le droit, selon cette affiche, de demander que le pain de fantaisie soit coupé et vendu au prix du gros pain. Je l'ai essayé à plusieurs reprises, on m'en fout tout à la porte. C'est vrai, bah oui, pas la fin de ce... Stéphane Caplan, vous évoquez les années 60, et bien je vous propose justement d'aller le 28 mars 1960 pour les grandes conférences de la radiodiffusion télévision française. C'est Edgar Faure, figure politique, qui porte un regard, donc dans les années 1960, sur la Révolution française, évidemment, qu'il relie au pain. La révolution de 1789 est aussi, je crois que cela est démontré, une émeute du pain, car son explosion coïncide avec la triple pointe supérieure du prix du pain dans le mouvement saisonnier, dans le mouvement cyclique et dans ce que les économistes appellent le mouvement durable. Et quel est au fond le drame profond de l'économie du XVIIIe siècle? Il y a eu deux thèses là-dessus. La thèse de Michelet, la révolution de la misère. La thèse de Jaurès qui a dit non, ce n'est pas le cas, la misère n'a joué qu'un faible rôle. Et beaucoup d'auteurs vous disent « mais il y avait un élan de prospérité au XVIIIe siècle ». Oui, c'est dans un élan de prospérité que s'est produit la révolution de la misère, et cela est normal. Car une situation révolutionnaire provient toujours d'une contrariété de dynamisme. Elle ne se produit pas au repos. Au XVIIIe siècle, sans arrêt, la prospérité générale s'est améliorée. Mais les salaires des classes inférieures n'ont pas suivi le mouvement. Les études complètes dont nous disposons aujourd'hui montre que les prix ont augmenté de plus de moitié, alors que les salaires augmentaient de moins de 20%, et que les revenus des classes non salariées augmentaient au contraire plus que les prix. Il y a donc eu une distorsion. Les malheureux se sont trouvés plus malheureux dans un pays plus riche. Voilà, donc ça c'est le constat, ou en tout cas l'analyse que faisait Edgar Faure en 1960 sur la Révolution française. Un commentaire, Stéphane Caplan. Oh, mais d'abord, Edgar Faure était pour moi une espèce de français parfait. Il écrivait des polars, il jouait au piano, il avait des copines magnifiques, il était un grand historien, il a fait un Turgot formidable. Il se prenait pour Turgot. Il a torturé les boulangers. Quand il était ministre de l'économie dans les années 50, et il a dit aux meuniers, je vais vous augmenter votre farine, aux boulangers, je vous augmente pas. Et il dit, mais pourquoi? Il a dit, parce que vous faites du pain. Et il voulait dire, le pain, c'est trop délicat, c'est trop important. Certainement, son analyse, synthèse de Jaurès et de Michelet, selon la foi de Labrousse, grand historien, je ne peux que m'adhérer. C'était un grand homme politique et un grand historien, monsieur Edgar Faure. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre regard sur ce témoignage, Stéphane Caplan, avec toujours ce lien qui peut être fait entre la révolution et l'absence de pain, la disette. Ça ne suffit pas de dire on ne mange pas assez pour faire la révolution. Mais malgré tout, si l'on met en place l'ensemble des réflexions sur le pouvoir nourricier qui est en rupture au XVIIIe siècle, là on a des éléments qui relient le prix du grain ou du pain à la Révolution. C'est bien cela, mais on peut l'analyser mais comme quand, ça quand Roland, qui est l'héritier direct de Turgot, est ministre de l'Intérieur à la fin de 91, je crois, et on lui demande « qu'est-ce qu'on va faire ?» Parce que le peuple crève de faim. Il y avait des armées révolutionnaires, c'est-à-dire des sans-culottes urbains qui allaient chercher des grains chez les paysans. Et Roland a dit « qu'est-ce qu'on va faire ?» Rien. Il faut rien faire. Ça, c'est le libéralisme. Ça, c'est le libéralisme. Donc, on va dire que le libéralisme, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est né de théories qui reposent sur le prix du grain, le prix du pain, le marché.

signait une série d'articles intitulée « Le sucre » en 2018, dans laquelle il relate notamment la bévue historique de Kémy Séba et de ses disciples. Si le supermarché théâtre de cette mise en scène appartient bien à une famille Becquet, ce n'est pas le cas de ces sacs de sucre investis de la mémoire des plantations et de la colonisation. L'usine Galion qui les produit est la dernière sucrerie encore en activité en Martinique après l'effondrement de cette filière sur l'île grâce à un capital majoritairement public et incarne le combat des descendants d'esclaves tout au long du XXe siècle pour se réapproprier les outils de production. Zaka Toto conclut en dénonçant la manipulation historique opérée par Kémy Séba et, je cite l'auteur, « un effacement de l'histoire concrète, tangible, bien réelle, d'un peuple qui travaille à son émancipation ». Esclavage et post-esclavage et le tout au pluriel. On retrouve les liens à lire, à voir, à écouter. Tout ça, c'est sur le site internet franceculture.fr. Merci beaucoup Anaïs. Stéphane Kaplan, quand vous travaillez sur le pain, vous avez trouvé un objet d'étude absolument magistral parce que nous touchons à l'histoire globale. C'est-à-dire qu'à partir du pain, vous pouvez aller dans la littérature, dans la culture, dans l'économie, dans la politique. C'était le sujet idéal. C'était le sujet au carrefour du matériel et du symbolique. C'était un sujet qui me permettait de vivre ce moment de mégalomanie, de l'histoire totale inspirée par les annales, quand l'histoire sociale était hégémonique et quand l'histoire était surtout une histoire française. Oui, c'était pour moi un sujet qui me permettait de toucher quasiment à tout, parce que le pain mène partout. Le pain mène partout et il mène au plaisir, d'où, je ne sais pas si je peux utiliser le mot de combat, ce combat que vous menez, mais c'est un combat culturel. C'est un combat, oui. C'est un vrai combat, parce que je crois que l'histoire du pain est consubstantielle à l'histoire de la France. Je crois que quand il faut qu'une culture évolue, mais quand une culture en quelque sorte se renie, ça m'agace profondément. Donc je sonne le tocsin. Il faut qu'on fasse pour la culture du pain quelque chose de fondamental pour que la France reste, pour moi, la France. Merci beaucoup de le dire, Stéphane Kaplan. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès, Camille André, Aurore Juvenel, avec une programmation assurée par Amélie Perrault. Des émissions à écouter sur le site internet Le cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en balado-diffusion, le podcast. Demain, sous les pavés, la terre, oui, l'agriculteur français au XXe siècle, avec un portrait de Tanguy Prigent, le paysan ministre, et oui, figure qui a disparu il y a toujours 50 ans, c'était en janvier 1970.